le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part des feuilles noircies par mes écrits. Chaque jour je raconte l'enfer de ma vie. Voilà le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part ces traces de ma vie par mes écrits. Et si je meurs, je vous embrasse du paradis. J'oublierai jamais ma ville. Moi je connais chacune de ces rues, Augustin, Domas, Félix, Pé à tout l'étoile. Les immeubles insalubres où des familles vivent sous les toits. C'est pour les jeunes qui vendent le shit pour la mama. Ceux qui savent bien mentir comme Tony Montana. Et pour leurs sœurs qui endossent toute la misère de la rue. Mon rap retrace mon vécu. Et si ça sent la merde, c'est parce que je casse les culs de tous les MC qui se croient intelligents. Y'a pas tout le monde qui m'aime, mais j'emmerde les gens. Et même les amis de mes amis. J'ai appuyé sur le bouton d'alerte de l'ascenseur social. Et je compte même plus les années qu'on est bloqué au sous-sol. Nos mères finissent leur jour seules. Et nous on mange avec les mains sales. Parce qu'on bricole. Les petits braques des carters demandent à Greg du monopole. Ça fume des culs joints devant les portails de l'école. Voilà le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part des feuilles noircies par mes écrits. Chaque jour je raconte l'enfer de ma vie. Voilà le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part ces traces de ma vie par mes écrits. Et si je meurs, je vous embrasse du paradis. J'ai pas besoin de te dire, tu sais déjà ce que je représente. Et je pourrais me tailler les veines juste pour vous montrer l'exemple. Parce qu'il y a trop de misère et de souffrance dans mon cœur. Et y'a trop de haine et de méfiance dans le leur. Le château de ma mère, c'est le seul remède que j'ai trouvé. Il renferme toute la tristesse que j'y ai éprouvée. Toutes les fleurs fanées de mon jardin secret. Les MC savent se plaindre qu'ils sont émouvants. Moi j'ai les mains dans la merde et les pieds dans les sables mouvants. Mais c'est pas pour autant que j'irai pointer chez les mélancoliques anonymes. J'ai beaucoup mieux à faire de mes rimes. Elles ont trop de valeur pour moi. Je voudrais que le vent souffle en ma faveur pour mettre les voiles. J'ai passé l'âge de croire à ma bonne étoile. Je me fous pas mal des pétasses qui veulent faire les grandes. Et nique sa mère au MC qui se croyait underground. Voilà le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part des feuilles noircies par mes écrits. Chaque jour je raconte l'enfer de ma vie. Voilà le château de ma mère. C'est ma gloire, mon frère, j'ai plus rien à perdre. À part ces traces de ma vie par mes écrits. Et si je meurs, je vous embrasse du paradis. Voilà le château de ma mère.